Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme. Et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles. C'est parti pour l'aventure. Vous allez encore vouloir me mettre au bûcher. Ça va, oui. Aujourd'hui, et je le comprends tout à fait, on va aborder un sujet qui est pas très funky, la pédocriminalité. On va pas parler de l'affaire Epstein et du réseau tentaculaire mondial de la saloperie. On va pas parler de Jacques Lang. On va pas parler de Gabriel Matzneff. On va pas parler de Roman Polanski. On va pas parler de toute autre légende qui pourrait exister à travers les âges, à travers la chevalerie. On va pas parler de Gilles de Rais et on va pas non plus parler des pédérastes de l'époque antique. On va partir sur un cas tout aussi grave et qui, par abnégation, ont réussi à faire tomber pas mal de salauds. Je vais le traiter par le prisme du football et des travaux du journaliste sportif Romain Molina. Se définissant lui-même comme auteur et conteur d'histoire, un peu barré mais totalement indépendant, il écrit ses ouvrages et enquête pour certains médias, The New York Times, CNN, BBC, Josimar, Mediapart, et possède une chaîne YouTube avec plus de 400 000 abonnés à l'heure où je vous parle. Comment est-il passé d'un enfant aidant sa famille sur les marchés isérois et rhodaniens les week-ends à vendre des fruits et légumes, à un homme fiable qui a la confiance des victimes ? En s'attaquant à gros. Je suis pas gros. Je vais vous parler de quelques cas et affaires relayées dans les plus grands médias internationaux qui font froid dans le dos. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est pas possible. Il fait au moins, 8000. Haïti. L'ancien président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jambard, a été accusé d'avoir abusé sexuellement de jeunes footballeuses au Centre national de formation du pays, à Croix-des-Bouquets. Les incidents allégués ont vraisemblablement eu lieu depuis le milieu des années 2000. Il y a une dame qui travaille là-bas et qui met la pression sur les filles pour qu'elles aient des relations sexuelles avec lui, a déclaré une victime au Guardian. Il verra une fille gentille, attirante, et il envoie la dame lui dire qu'elle va être jetée du centre. Elle commence alors à pleurer et ensuite la dame lui dit que la seule façon de résoudre cela est de parler à Dadou, surnom d'Yves Jambard. On est sur une méthode digne d'un serial killer. Selon des sources haïtiennes, et non pas haïssables, plusieurs joueuses qui ont maintenant quitté le centre ont été contraintes par Jambard d'avoir des relations sexuelles avec lui, y compris une qui a été forcée d'avorter. Elle a été mise sous pression pour ne pas parler, a déclaré un ancien joueur au centre. Une autre de nos meilleures jeunes joueuses a perdu sa virginité avec lui quand elle avait 17 ans en 2018 et a également dû avorter. Une autre joueuse, l'une des étoiles montantes d'Haïti qui joue professionnelle, a affirmé qu'un ami de l'ex-président avait essayé de la violer alors qu'elle vivait dans le centre. Le centre n'était pas qu'un bordel caché du grand public avec un distributeur de lait à chaque étage. C'était insalubre. Les jeunes n'y ont pas de surveillance médicale, ils mangent la même chose tous les jours et boivent de l'eau que nous ne boiriez même pas à la petite cuillère. Pire que Nestlé, il faut le faire. En parallèle d'Yves Jambard, Rosnick Grant, président de la commission des arbitres de la Fédération haïtienne de football, a été lui, à la différence, suspendu à vie après avoir été reconnu coupable d'actes de harcèlement sexuel et d'abus sexuels. Plusieurs victimes présumées ont déclaré au Guardian en septembre qu'il avait intimidé de jeunes fonctionnaires en menaçant de mettre fin à leur carrière s'ils n'avaient pas eu de relations sexuelles avec lui. Et une autre avait dit qu'il avait essayé de prendre sa virginité quand elle avait 17 ans. Mais je sais pas, 17 ans, on dirait c'est un âge pour prendre la virginité des gens. Malin comme il était, Grant subit une vasectomie afin de ne pas faire tomber enceinte une de ses nombreuses conquêtes. Le malin comme il était. Il utilisait deux de ses maîtresses pour convaincre les filles arbitres de coucher avec lui, servant même parfois de cadeau aux pontes de l'arbitrage mondial. Qu'est-ce qu'un cadeau ? C'est-à-dire que vous êtes une fille arbitre, et ben Rosnick, il vous fout dans un hôtel et il dit aux pontes de l'arbitrage mondial, notamment à la FIFA, « Tiens, c'est cadeau, t'en fais ce que tu veux. » On dirait qu'il offre des chocolats. Dernière coupable en date, Nella Joseph, la superviseuse de l'équipe féminine des moins de 20 ans d'Haïti, a été frappée d'une interdiction de 10 ans après avoir été reconnue coupable d'avoir forcé des joueuses à avoir des relations sexuelles avec Yves Jambard. Ah là là là là, le monde dans lequel on vit, il est magique. Là-bas, les gamines sont menacées au téléphone par des chefs de gang. Il y a une pression maximale sur ces joueuses et on atteint un niveau de criminalité inouï, le tout sous l'œil complice de la FIFA. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Gabon. Des agissements ont lieu depuis 30 ans. Il y a peut-être plus d'un millier d'enfants victimes. Patrick Assoumou Ehi aurait abusé de centaines et de centaines de jeunes garçons dans le cadre de ses fonctions, après que l'affaire ait été révélée au Guardian. Décidément, les journaux français, on vous attend. Très connu dans le milieu du football gabonais sous le sobriquet de Capello, Patrick Assoumou Ehi était l'entraîneur de la sélection nationale des moins de 17 ans jusqu'en 2017, puis directeur technique de la Ligue du football de l'Estuaire. L'entraîneur attirait les jeunes garçons chez lui, qu'il avait rebaptisé « le Jardin d'Éden ». Et oui, le Jardin d'Éden pourrait vivre l'enfer. Une victime résume les accusations. Il m'a forcé à avoir des relations sexuelles avec lui. Quelle originalité dans le thème d'aujourd'hui. C'était la condition pour rester dans l'équipe nationale. Capello a violé tant de petits garçons qu'il allait parfois à la campagne pour en trouver de nouveaux. Il profitait de leur pauvreté. C'est la réalité du football gabonais, mais personne ne peut arrêter le système. Les prédateurs sont trop nombreux. Le gars s'est crué à Pâques, à prendre les enfants comme s'il chassait les œufs. Ou alors, il fait un petit tour au maraîcher et il prend des choux, du chou-fleur. D'ailleurs, il a transformé pas mal de garçons en chou-fleur. Malheureusement. Ajoutons une cerise de mauvais goût sur ce gâteau indigeste. Le président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre-Alain Mougengui, a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur les allégations d'abus sexuels généralisés dans le pays. Il n'aurait tout simplement rien fait pour endiguer tout ça. Surprise, motherfucker. Il a été réélu président de la FEGAFOOT pour un troisième mandat, en dépit de l'opposition et du bafouement des autorités gabonaises. En prison ! Eh ben oui, comment on peut être élu président ? En prison ! Un certain Nicolas S. aurait aimé prendre l'exemple. Passons en Europe maintenant. Allons en France. Il n'y a pas que du bon dans le pays du fromage qui bue des pieds. Loin de là. Il y a eu plus de 40 ans d'omerta sur la FFF qui ont fait beaucoup de mal au football français. Et un d'entre eux qui a fait beaucoup de mal au football français, c'est David San José, un responsable pédagogique de la Fédération Française de Football qui a fait l'objet d'une enquête après avoir envoyé des dizaines de SMS affectueux, voire dérangeants, à un petit garçon de 13 ans. 13 ans, c'était 2010, j'allais regarder la Coupe du Monde et j'étais très très content de voir que les Pays-Bas allaient en finale. Selon les coéquipiers et la mère du garçon, les SMS arrivaient souvent en rafale, tel l'AK-47 qu'il était. Des bonjours, des bonnes nuits, des invitations, des déclarations d'amour. Pourquoi un adulte, et surtout un encadrant dans l'une des fédérations de football les plus prestigieuses au monde, prêterait-il tant d'attention à cet enfant ? Pendant un certain temps, le garçon savait qu'il avait de la chance d'être parmi les chanceux pour vivre et s'entraîner au centre de Clairefontaine. Quand la mère a voulu les explications, il sut justifier pitoyablement en lui expliquant que dans sa culture, c'est un monsieur espagnol, il est habituel de se dire des choses comme « je t'aime », même à des personnes extérieures à sa propre famille. Trop dégueulasse ! Mais il a été démis de ses fonctions qu'après avoir tenté d'inviter le garçon à déjeuner, et pas au Ritz. L'un des postes suivants de San José était à l'Olympique de Valence pour entraîner une équipe de moins de 15 ans. Les soupçons sont venus lorsque la mère d'un des jeunes joueurs, inquiète, a contacté le club pour demander pourquoi il était nécessaire que les jeunes soient nus pour la peser. Bah oui, évidemment, maintenant enlevons les vêtements. D'autres alarmes ont retenti quand les responsables du club ont découvert qu'un jeune joueur avait passé la nuit chez San José et certainement pas pour jouer au Scrabble. Viré pour une autre raison, il travaillait avec un agent pour présenter ses joueurs à d'autres équipes, San José est resté dans la région. La FFF continue cependant d'insister sur le fait qu'elle... n'a rien fait de mal et que sans preuve, elle n'a pas insisté. Le fait qu'il ait pu continuer à travailler avec de jeunes athlètes malgré des signaux d'alerte soulève de nouvelles questions sur l'incapacité ou la réticence des organisations sportives à mener des enquêtes sérieuses sur l'attitude d'adultes responsables de la garde d'enfants. Autre affaire sombre au tableau de la France, l'Agence française de développement a conclu le 5 juin 2019 un partenariat avec la FIFA concernant le football féminin et trois fédérations africaines, Bénin, Guinée et Togo, pour le projet Championne, utilisant le foot féminin comme un outil d'émancipation des filles, de défense, de droits des enfants et de lutte contre les violences basées sur le genre. Le souci, c'est pour les joueuses, qui subissent encore du harcèlement psychologique et sexuel de la part des coachs, qui exigent d'elles qu'elles soient gentilles et que ça va aider dans leur carrière. Vous le voyez venir, le loup, le grand méchant loup. Mode opératoire, choisir des enfants de milieux ruraux, ayant peu d'éducation et en les manipulant, car être en sélection, c'est aider financièrement sa famille. Vous allez me demander, perspicace comme vous êtes, pourquoi la Fédération Internationale de Football, la FIFA, ne fait rien? Car elle ne veut rien faire, tout simplement. C'est gagné! C'est gagné! We did it! Oui! Yes, we did it! C'est gagné! Certains vont dire que oui, elle peut rien faire car c'est pas la police. Oui, elle manque de preuves. Oui, elle crée des comités d'éthique. Que vous êtes naïf! C'est surtout un endroit où la culture de l'omerta est présente et qu'il faut régler les affaires sales en famille et en privé avec de grands guillemets. Il y a évidemment la peur du scandale, la protection de l'image du sport, le réflexe de protéger les dirigeants plutôt que les victimes, et le fait que pour l'élection du président de la dite FIFA, un pays, c'est une voix. Il lui faut des présidents à sa botte. Donc, si l'un d'entre eux favorable à ses idées et à sa politique a fait de la merde, la FIFA fera tout pour qu'il reste en place. Ils feront tout en utilisant une des armes les plus létales. L'ingérence d'un acteur extérieur, l'État, le gouvernement ou la justice, sur la gestion de la fédération. C'est-à-dire, pour vous expliquer, dans pas mal de pays, notamment en Afrique, il y a beaucoup de fédérations qui sont directement gérées par le ministère des Sports, ou même le ministère des Sports prend la place de la fédération pour nommer l'entraîneur, par exemple. Ça part d'une bonne intention, mais le pire est là. On brandit la menace d'une exclusion des compétitions prestigieuses pour qu'une affaire grave soit mise au placard. Comment les gens de la FIFA peuvent regarder leurs enfants dans les yeux alors qu'ils protègent des pédophiles? Moi, je ne sais pas si vous avez la réponse. Dites-le moi par pigeon voyageur. Ian Hackley, anglais, qui a subi des abus de la part d'un ancien entraîneur du football britannique de haut niveau, dirige aujourd'hui un groupe de soutien des victimes d'expériences similaires au sein du football anglais. Il dit que les cas potentiels de maltraitance sont souvent résolus dans la discrétion et qu'on fait en sorte qu'ils attirent un minimum d'attention. Et ils veulent préserver leur réputation d'une enquête publique ou d'une investigation. La vérité fait mal à entendre, mais la grande majorité des journalistes sportifs en connaissent autant, voire plus que Romain Molina, sur les magouilles et les dessous du foot. Mais pourquoi on fait rien encore une fois? Parce que c'est le football. On s'attaque pas au sport le plus populaire de France. Pour les politicards vêtus comme des pingouins que l'on ne prend plus au sérieux, le sport, notamment le football, est l'un des meilleurs moyens de se faire aimer. Donc, pas de vagues. C'est aussi un des meilleurs moyens de gagner des points de popularité, notamment lorsque la France gagne la Coupe du Monde. Si vous voulez aller plus loin sur les travaux du journaliste Iséroy, je vous recommande plusieurs de ses ouvrages. L'industrie du football 1, 2 et 3. Qui enquête sur l'arrière-cuisine du plus beau sport du monde. Vous verrez les affaires de pédocriminalité, mais aussi tous les scandales liés aux droits télé ou les scandales liés en football et gouvernement. Yémen, les guerres et les bonnes affaires, parlant des intérêts inavouables derrière les bombardements au Yémen. Le livre noir des Jeux Olympiques, ou comment le comité olympique est devenu gangréné par la corruption. The Beautiful Game, qui dresse l'histoire de joueurs de foot de petites nations en retrait du football business. Les biographies de l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, la biographie de l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery, ou même encore un livre que je lis en ce moment, ou les biographies de l'attaquant uruguayen Edinson Cavani et de l'ex-entraîneur du PSG Unai Emery. On ne le dira jamais assez, mais si vous êtes ou avez été victime ou témoin d'actes pédophiles ou pédocriminels morbides, parlez-en autour de vous. Puis faites tomber les masques sous les jumelles de la loi. Faites tomber les masques comme on fait tomber les tours jumelles le 11 septembre 2001. Continuez d'agir contre les nébuleuses et on se retrouvera une prochaine fois sur Radioactive à 13h pétante pour vous présenter les espèces endémiques de la France métropolitaine. C'était Théoxérès le Fureteur, à la revoyure les amigos.